wrestle now. Oh yeah, we are ready now. This way. We are old. We are young. We are in America. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Un beau jour, l'armée débarque en Melty jusqu'en Irak, lui apprit l'art de la guerre, désamorcer du nucléaire. James Carter n'a peur de rien, c'est un vrai américain. À la fin, il en restera qu'un, quitte à mordre. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavriga, tous les vendredis à partir de 19h, on est ensemble pour 3 heures de musique, hein, et en plus on va découvrir un groupe que c'est pas vraiment une découverte puisque ça fait déjà plusieurs semaines qu'on passe, on a déjà passé deux de leurs morceaux, donc aujourd'hui on va découvrir l'album complet. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe qui est composé de 5 personnes, mais ils ne sont que 3, mais bon, ça suffit pour parler et nous faire découvrir leur univers. Donc la semaine dernière nous avions reçu ici le groupe Dérapade. Aujourd'hui c'est le groupe Corrosive System. La semaine prochaine nous recevrons Yous pour une émission spéciale, hein, puisqu'il organise des concerts de reggae, donc un style plus reggae. Aujourd'hui ça sera plus orienté punk, hein, vous allez le voir. Le 11 novembre, nous recevrons ici les Swing Camille, donc du swing dans l'émission Mavrika, avec des personnes que nous connaissons déjà, ils sont déjà venus, mais ça faisait un petit moment, donc ils reviennent faire un petit tour. Le 18 novembre, ce sera la Jarry qui reviendra à nouveau ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après quelques mois, quelques années d'absence, puisqu'ils avaient pris l'habitude de venir tous les ans vers le mois de décembre. Cette fois-ci, c'est au mois de novembre que ça se passe. Ils reviennent nous parler de l'actualité, parce que ça repart, hein, donc après le Covid, il y a eu forcément un petit moment creux, et aujourd'hui, ça repart, donc ils sont en tournée, et ils nous feront plaisir donc de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 25 novembre, ça sera Jesus Whiskey qui viendra nous présenter son groupe, hein, Jesus Whiskey. Ils sont trois, hein, donc c'est pour les gens qui aiment le blues plutôt roots, hein, et puis pas seulement, parce qu'ils reprennent aussi des morceaux un peu plus récents, mais au style roots en tout cas. Voilà, donc on est ensemble pour 3 heures de musique. On a déjà commencé avec le groupe Custom que nous avons convié au Mavrika Live dernier, donc le numéro 12, mais qui malheureusement a été annulé pour cause de Covid. Alors j'ai des bonnes nouvelles, hein, il y aura des prochains Mavrika Live. On va inviter à nouveau les artistes qui étaient sur l'affiche, et on va essayer de refaire ça. Et c'est prévu pour le 10 juin, donc on compte sur vous pour réserver cette date et de venir avec nous faire la fête et écouter du bon rock'n'roll dans la salle de l'espace Bérer à la chapelle Saint-Même. On vous tiendra au courant d'ici, là on a encore le temps, hein, tout est à préparer encore. On a écouté aussi Dérapade, le groupe que nous avons reçu la semaine dernière avec le titre Sordide. J'avais pas dit le titre de Custom, c'est RNR Rock'n'Roll Party, voilà. Et puis à l'instant c'était James Carter avec le groupe Turnoff. Le groupe Turnoff, voilà, j'ai vu quelques membres dernièrement à un concert. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bah si, on va en parler même tout de suite, puisque le groupe qui suit, c'est un des groupes qui était en concert au Drug Kick cette semaine. Il s'agit du groupe Syndrome 81, groupe de Brest. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Vivre et Mourir. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Bah voilà, prenez du bon temps, écoutez-nous, on a plein de bonne musique à vous faire découvrir ce soir. C'est la première diffusion de ce morceau, Excès Nocturne. C'est interprété par Anaïs From Paris. Et Anaïs From Paris viendra ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Bon, la date n'est pas encore décidée, mais ça sera normalement vers le mois de décembre ou janvier 2023. On s'en approche de plus en plus. Donc ce soir, c'est le groupe Corrosive System qui est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on va commencer à discuter avec eux. Il y a trois des membres du groupe, hein, qui est composé normalement de 5 personnes. Ils sont nombreux, hein, pour faire de la musique. Donc je vais m'adresser à eux. Bonsoir les Corrosive System. Bonsoir à tous. Bon, tous les micros passent, j'entends toutes les voix, donc on va régler au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci dans l'émission Mavrika, on arrive toujours à se débrouiller. Et puis tout à l'heure, on a écouté aussi un groupe qui s'appelle Syndrome 81. Vous le connaissez, non, ce groupe-là, non? Non, on ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas? On connaît très bien Terre-Neuve, puisqu'ils sont du même village que moi. Très bien. Bah justement, ils étaient au concert de Syndrome 81 et puis il y avait trois des membres. Et le groupe Terre-Neuve qui était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec lesquels on avait passé un très bon moment. Bah, de toute façon, ils font partie de la Mavrika Family, donc dès qu'il y a de l'actualité, ils reviendront. Et régulièrement, on passe aussi des morceaux à eux. Donc on avait passé tout à l'heure James Carter. Voilà. Syndrome 81, c'est un groupe de Brest et en plus c'est du punk, donc je pense que, et en français. Comme vous aimez aussi, donc je pense que ça a dû vous plaire aussi. Et donc Anaïs From Paris, c'est le groupe qu'on a écouté juste après et qui viendra dans les studios Radio Arc-en-Ciel dans les prochaines semaines. Alors le groupe Corrosive System, il est composé de combien de personnes? 5, on le sait. Quelles sont-elles? Donc il y a Bob à la basse, il y a Nico à la batterie, il y a Hervé à la guitare, lead, et puis Tristan à la guitare rythmique, et puis moi au chant, donc Laurent. Voilà, donc 5 membres et le groupe, c'est un groupe qui est assez récent et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités à cause du Covid, mais vous avez quand même travaillé dans l'ombre. Tout à fait. Alors le groupe, il existe depuis combien de temps? Il existe depuis avril 2019. Mmh. Donc on avait commencé à bosser une set pour justement préparer des concerts. Et puis donc on avait commencé à faire quelques concerts. Et effectivement le Covid est arrivé. Mais on a eu de la chance quand même de pouvoir faire le Strange là, en août 2020. Donc ça c'était vraiment une expérience terrible avec l'Ophophora. En plus un groupe que j'adore. Ah ouais, donc la grande scène et tout ça. Ah, il y avait du public et tout ça. Donc Strange Festival, donc c'est un superbe festival de rock'n'roll, quoi, de rock. Ouais, qui a tous les ans à Châtillon. Mmh. Très bien. Et puis après, il y a eu le Covid, donc les concerts qui étaient prévus ont peut-être été annulés, non? Oui, après ça a été compliqué. Du coup, on a profité pour composer, pour peaufiner certaines choses. Et du coup, là, justement, Puis c'est une période aussi où on a intégré un deuxième guitariste. Oui, Tristan, lui, il est arrivé en mars 2021. Donc on a un peu tout repris les morceaux pour se caler tous ensemble et se préparer justement à faire des concerts tous les 5. Mmh. Et puis donc là, comme on a fait l'album qui est sorti là depuis peu, là, c'était en septembre. Donc du coup, maintenant, on est à la recherche de concerts pour pouvoir faire la promo de l'album. Mmh. Donc vous démarchez, vous avez déjà des contacts ou... Oui, on a quelques contacts et puis on démarche également, oui. Donc là pour l'instant il n'y a rien d'arrêté ou non, il n'y a déjà rien de fixé pour l'instant. Il n'y a pas encore de concert qu'on peut annoncer alors non, ce soir. Pas pour le moment. Mais bon, pour l'instant ce que vous voulez c'est déjà parler de l'album, on va l'écouter. Alors c'est un album qui a été enregistré donc dernièrement, il est sorti en septembre, c'est ce que vous m'avez dit. Et vous l'avez enregistré où? À quel endroit? Ça a été fait un peu chez nous. Donc on a eu la chance d'avoir un super ingé son, un ami à moi. Sneaky Axor, son pseudo. Mmh. Et il nous a gentiment offert ses services pour mixer l'album. Donc on a un peu enregistré chacun chez soi en direct dans les PC. Et puis après on a tout envoyé à notre pote, un G-son. Et puis après il nous a tout mixé directement de chez lui, de chez moi. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité de, même sans se réunir, vous pouvez jouer quand même grâce à Internet et les nouvelles technologies. Ça, c'est une bonne chose quand même. C'est vraiment une bonne chose de ce côté-là. Parce que il y a aussi des groupes. Je ne sais pas si vous habitez tous ensemble, si vous avez la possibilité de vous retrouver régulièrement. Bah justement, on est un peu éparpillé. Voilà, c'est ça le truc. Alors, quand, grâce à Internet, à une époque, c'était pas possible, hein, simplement, parce qu'il y avait pas assez de répètes. Voilà, on laissait un peu tomber les choses parce que les gens étaient éloignés. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut quand même communiquer, puis échanger des choses, construire des morceaux. Comment ça se passe déjà, la construction d'un morceau, par exemple? Ben non, nous, on travaille avec Guitar Pro. Je fais pas de placement de produit. Mais... du coup, ben, dès qu'il y en a un qui a une idée, il commence à mettre ça sur Guitar Pro. Puis après, on l'écoute tous, on développe un petit peu plus. Et puis donc, le morceau, il prend forme. Après, dessus, ben, on faut poser une ligne de chant, les paroles. Et puis voilà, petit à petit. Donc, ça se construit vraiment. Chacun amène sa petite pierre. Et puis, l'édifice se construit comme ça, quoi. Voilà. Puis quand on se voit en répète, ben, on teste, on commence à le jouer, on voit si c'est bien parti ou pas, si ça rend bien ou pas. Mmh. Oui, et donc après, ça prend forme. Voilà. Et justement, tous les morceaux que vous interprétez, c'est des compositions, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous reprenez aussi quelques morceaux des fois? Alors, en live, oui, on a quelques reprises, bien sûr. Mmh. On avait fait un medley de Metallica, on avait fait une reprise des Sheriffs, on avait fait aussi une reprise de Nirvana. Et puis Exploited. D'accord. Donc justement, vous avez parlé de plusieurs groupes, et puis on va tâcher d'écouter au moins un titre de chaque groupe que vous m'avez apporté. Pardon, je bafouille un petit peu. Donc il y en a plusieurs. Vous avez amené plein de CD, et puis aussi cet album qu'on va découvrir. Donc c'est un album qui a combien de titres? Il en a 10. 10, donc un vrai album, quoi. C'est pas un petit EP, c'est un album. Il sort sous forme physique aussi, non? Oui, il va sortir. Alors aujourd'hui, il est sur toutes les plateformes de streaming. Mm-hmm. Et il va sortir en physique d'ici 3 semaines à moins. D'accord. Donc là, pour l'instant, on peut l'écouter sur Internet. On tape Corrosive System. De toute façon, c'est simple. Tout le monde arrive à trouver ce nom-là. Vous êtes les seuls au monde à vous appeler comme ça. Oui, oui. C'est Corrosive avec un K. Oui, avec un K et deux R. Ouais. Il faut Corrosive. Donc, il faut faire attention au truc, à l'écriture, mais avec un K. Effectivement, ça, c'est le côté un petit peu punk, ça, non? Oui. Non? Oui, oui. Ouais. J'écris un peu les choses différemment. Pourquoi vous avez pris ce nom-là, d'ailleurs? C'est une des premières choses qu'on doit vous demander. Bon, on a réfléchi un peu tous ensemble à avoir des noms de groupes. Et puis, c'est un nom que j'ai mis sur le tapis et puis qui a plu à tout le monde. Mm-hmm. Oui, oh, bah, ça sonnait bien. On est pas allé, ça sonne bien. Et puis, mais il y a une explication Corrosif, non? Ça rejoint un peu notre thème derrière, qu'on essaie de mettre en avant, notre thème, puis notre façon de penser. Un peu ce qu'on met dans nos paroles, ce que Laurent tu écris souvent, un peu pour montrer les travers de notre monde, de notre système. Voilà, l'esprit, c'est de dire que le système est corrosif. Ouais, il nous bouffe petit à petit, ouais. On le voit dernièrement avec le 49.3 qui a été mis à plusieurs fois de suite. Effectivement, bon, il y a des choses. Le système dans lequel les gens s'impliquent tout au long de leur vie. Et puis finalement, des fois, ils ont l'impression d'être bouffés par le système. Et d'autres en profitent à leur place. C'est peut-être un peu le message que vous voulez donner. Ouais, c'est qu'on se transmet un peu dans nos textes. Ouais. Et puis bon, donc c'est des vous avez toujours des messages dans chacune de vos chansons? Oui, tout à fait. Ouais. Et souvent des thèmes d'injustice, comme Instinct bestial, on passait tout à l'heure, donc c'est la maltraitance animale. Bon, Parabellum, c'est par rapport à la guerre. Bon, en plus, en ce moment, on est en plein dedans. Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire que on a l'impression aussi, en vieillissant, on a plein de choses qui, on dit, ils vont s'améliorer avec le temps, et finalement, on arrive à notre époque, on est aujourd'hui, et puis on s'aperçoit que beaucoup de problèmes n'ont pas été résolus, mais au contraire, ils s'accentuent de plus en plus. Hein. On parle, par exemple, de maltraitance animale, il y a des nouvelles lois qui doivent sortir, mais il a fallu attendre tout ce temps-là pour faire des lois contre ça. Donc c'est un petit peu bon. Ça, c'est un peu le coup de gueule. Et puis vous êtes des punks, et les punks, je sais que c'est réfléchi. Des fois, c'est un peu incisif la manière de dire les choses, mais souvent c'est des vérités. Hein. C'est des choses que vous revendiquez tout à fait, et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Beaucoup de gens le pensent. Et après, c'est la manière de l'écrire et la manière de jouer qui fait que. Bon, vous aimez la musique dynamique? Ah, plutôt. Plutôt, très bien. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va peut-être écouter un premier morceau de cet album. Alors, l'album, il s'appelle Extinction. Extinction, oui. Extinction, et le premier morceau s'appelle pareil. Donc le morceau qu'on va écouter tout de suite. Je sais pas s'ils sont dans l'ordre que vous m'avez donné, mais après dans l'album, je sais pas dans quel ordre ils seront. Non, c'est pas l'ordre de l'album, mais on va commencer par celui-là. Voilà. Très bien. Donc on va écouter ce premier morceau du groupe Corrosive System qui s'appelle Extinction. Oh, c'est pas le bon pot, c'est un très bien. We'll be right back. voilà, juste un petit peu de douceur juste à la fin du morceau. Effectivement, ça fait un contraste assez hallucinant. J'ai regardé sur mon lecteur 155 BPM quand même. Hein. Donc le batteur ainsi que les autres musiciens, on s'accroche quand même. Hein, on joue vite. Voilà. Non mais c'est comme ça. Hein. Votre style est comme ça. Donc on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Extinction. Vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là? Bah, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie justement des thèmes engagés, c'est-à-dire que le principe de la chanson, c'est tout simplement l'humanité qui se détruit elle-même et puis qui emmène dans sa folie de destruction la planète et toutes les espèces qui vivent dessus, malheureusement. Donc voilà, c'est la petite chanson... écolo, on va dire. Ouais. Tout en restant bien énervé. Voilà, parce que là, finalement, on dit souvent les punks, nos futurs, etc. Mais vous, finalement, vous voulez qu'il y ait un futur meilleur pour nos enfants, justement. Vous en parlez un petit peu dans vos textes. Et puis là, on est en train de se rendre compte, on est en train de détruire tout. Et puis là, avec les menaces aussi là, de bombes sales, etc., qu'on écoute actuellement, on se dit non, mais on va y arriver, finalement. On va réussir à tout foutre en l'air, quoi. Ça fait un peu réfléchir à ça, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. c'est impressionnant, ouais, parce que quand on dit ça comme ça, on dit ouais, c'est vraiment impressionnant, mais pourtant c'est la réalité qu'il y a autour de nous. Vous allumez les radios, les télévisions, on vous parle de ça à longueur de journée, quoi. On est dans un monde vraiment, il y a pas mal de choses à refaire, quoi, je pense. Voilà, très bien. Donc le premier morceau, hein, c'est le titre de l'album aussi, Extinction, et c'est le groupe Corrosive System qui est là ce soir pour nous en parler. Donc cet album-là, vous avez mis combien de temps à l'enregistrer? Bah, ça a dû durer en tout peut-être un mois et demi, deux mois au total avec le mixage et tout ce qui s'ensuit. Après, le plus long, ça a été forcément tout ce qui est enregistrement pur et dur, des guitares et du chant, forcément, c'est toujours plus long. Mais bon, il faut prendre le temps de bien faire les choses quand même. Mais vous avez tous un studio chez vous ou comment ça se passe? Parce que... Oh, c'est un peu un studio mobile, on va dire. Ah, c'est un studio que vous le déplaciez Oui, c'est un peu ça. Maintenant, on a des petits boîtiers, on branche nos guitares et puis hop, ça enregistre directement. Donc c'est assez mobile, on peut aller faire ça un peu partout. Bon, sauf pour le chant, il faut quand même un environnement assez sain. Oui, après il faut une chambre qui soit traitée au niveau acoustique pour que la voix sorte bien. J'ai installé ça dans mes toilettes. Ah bah, il y en a qui ont fait ça. Je me souviens que c'était vieux, c'était à l'époque où j'écoutais sur une grande radio, hein, c'était Jean-Bernard Hébé avec je me souviens plus le titre de la Poste Restante, voilà, exactement. Et il nous racontait déjà à l'époque qu'il y avait des gens qui s'isolaient pour avoir un écho naturel dans la salle de bain. Ça résonne d'une certaine manière. Donc il y avait un écho naturel, ils s'enregistraient avec cet écho-là. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de moyens et tout ça pour obtenir ces résultats-là. Mais bon, comme quoi, ça peut être un endroit. Non, mais moi, c'était pour déconner. Oui, je m'en doutais, mais il y a des fois. Jim Morrison, je crois qu'il a enregistré un album dans les toilettes. Je connais aussi un studio où une fois ils avaient annoncé à la radio qu'ils avaient 5 pièces pour s'enregistrer alors qu'ils en avaient que 4 et ils ont dû se tromper, ils ont dû compter les toilettes avec, donc voilà, un petit clin d'œil à notre ami Stéphane qui a le studio Émergence, il m'avait raconté cette histoire là voilà, donc 10 morceaux, on va les écouter au fur et à mesure et on va aussi écouter des morceaux d'artistes que vous avez choisis, donc des gens que vous aimez, qui vous ont sûrement influencé aussi. Ouais. Alors on va commencer peut-être avec le premier. Hein. Le premier c'est Exploited. Dit Exploited. Alors vous nous parlez un petit peu de ce groupe-là? Vas-y, bon. C'est un vieux groupe écossais des années 70. Enfin, il tourne encore beaucoup même. Donc c'est un des premiers groupes qui a commencé à basculer du punk vers le hardcore metal. Donc, on l'a amené pour ça parce que ça nous correspond aussi, parce qu'on est un peu aussi entre les deux, entre le punk et le metal. C'est vrai que la frontière au niveau musical, après punk ou metal, c'est plutôt une question de comportement et tout ça, mais la musique se ressemble assez, elle se rejoint un petit peu, quoi. Après, on peut parler aussi dans les punks, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont plus extrême droite, d'autres qui sont plus antifa. Il y a des choses comme ça aussi. Et après, donc, Forcément, on parle pas des mêmes choses dans les trucs, mais la musique elle-même, elle se ressemble aussi un petit peu. Hein. Voilà. C'est le côté énergique, speed, oui. Du gros son maintenant. Bah oui, et puis quand on va à un concert de punk, on a pu le voir dernièrement avec les gens qui pogotent, les gens qui slament et tout ça. Bon, il y a l'action, les gens viennent pour s'éclater, hein, c'est aussi ça. Hein. Ah, c'est dans le respect. C'est très festif. Ouais. Ouais, c'est très festif. Hein. Dans le respect des autres personnes qui veulent pas participer, voilà, il y a quand même une petite barrière qui se fait. Il y a des gens qui sont là pour regarder, d'autres qui veulent un peu s'éclater et se rendre un peu dedans. Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Donc on va écouter peut-être un premier morceau de ce groupe écossais donc qui s'appelle The Exploited. Alors le premier c'est Beat the Bastard. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, on l'écoute tout de suite alors, c'est parti. Are you? ça envoie. Hein. Donc des Exploited, de groupe écossais, avec un album qui s'appelle Beat the Bastard. C'est le même nom que la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant. Et c'est un album qui était sorti en 1996, mais bon, c'est un groupe qui tourne toujours apparemment. Donc une bonne carrière déjà, hein, pour des punks nos futurs. Tout à fait. D'ailleurs, ils sont passés au Strange. Oui, ils sont passés au Strange à Châtillon en 2007. Très bien, donc voilà, un des groupes qui vous a inspiré, hein, je pense. Hein. Tout à fait. Alors, j'ai pas de compteur BPM, mais là, ça s'envoie aussi très fort. Mais pour faire un pogo, ça va très bien, en tout cas. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous avez apporté pas mal d'albums. On va les écouter au fur et à mesure. De toute façon, on est là pour écouter de la bonne musique. Et je vous avertis, hein, aujourd'hui, c'est une émission un peu punk quand même. Donc les gens, chez vous, pouvez un peu sauter. Si vous habitez justement au-dessus des voisins, ils vont être très contents. Et vous pouvez mettre la radio à fond sur la FM ou même sur votre ordinateur sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, pour tous ceux qui veulent nous écouter ailleurs que dans la région orléanaise. Le groupe Corrosive System a sorti un album en 2019. Le groupe s'est composé en 2019. L'album est sorti en 2022 au mois de septembre. Il s'appelle Extinction. On a déjà écouté un premier morceau. On écoute un deuxième morceau. C'est parti. Alors le deuxième, c'est Parabellum. Ça parle de quoi? Ben comme on disait tout à l'heure, ça parle de la guerre. Donc oui, une fois, c'est un sujet d'actualité. Voilà, c'est justement ce qui se passait en ce moment en Ukraine avec Poutine et puis sa folie de destruction qui nous a inspiré à écrire cette chanson. Très bien, bon, on va l'écouter tout de suite et puis après on va continuer à présenter tout le reste de l'album. Il y a plein de bons sujets, un bon thème à développer dans cette émission. Et ça poussait une heure en soutien. J'ai bien su. Écouté un morceau, on en a écouté plusieurs à la suite. On a écouté donc Corrosive System avec Parabellum, un titre qui parle de la guerre, comme on avait annoncé tout à l'heure. Et on a écouté aussi un groupe orléanais qui sera très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel aussi. Ils étaient en concert au Dropkick samedi dernier. Et c'est le groupe Bad Chips avec Broken Heart, donc une histoire d'amour, hein, comme les punks aiment beaucoup. Sauf que là, c'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée, puisque les cœurs sont brisés. Voilà. Donc, on revient avec les Corrosive System. Ils nous ont fait découvrir tout à l'heure un morceau des Exploited, dit Exploited, qui s'appelle Beat the Bastard. Et il y a un autre morceau aussi que vous voulez nous présenter, d'un autre groupe qui interprète aussi les morceaux en anglais. Il s'agit de Grip Inc. Alors, yes. Qui c'est qui nous en parle? Oui, alors, c'est un groupe qui n'existe plus. C'était avec l'ancien batteur de Slayer. Donc, c'est un groupe américain avec un batteur cubain. Donc, c'est un groupe qui est très porté sur la batterie dans ses compositions. Mm-hmm. Et avec pas mal de mélodies et un chant clair. Très bien. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Savage Seas. Tu sais de quoi ça parle un petit peu, non? Ou... Non. Non, pas. Donc ça va être. Ah, bravo. Donc les mers, Seas, c'est la mer, Savage, donc mer sauvage. On va écouter le morceau tout de suite, et puis on va se faire une idée par nous-mêmes. En tout cas, on va écouter de la bonne musique. C'est encore très, très dynamique. Oui, toujours. Tout à fait. We'll be right back. ce soir vous avez envie de vous déboucher les oreilles, vous écoutez l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel et on écoute de la bonne musique bien dynamique. Et effectivement, il y a un travail de dingue au niveau de la batterie. Hein. On peut le voir quand même, c'est pas des débutants, c'est quand même le super travail au niveau technique, au niveau batterie. Hein. Ah oui, carrément. Bah, carrément. Parce que les gens se rendent pas forcément compte. Moi c'est pareil, au début j'allais au concert, je regardais, ça me plaisait pas, mais après petit à petit j'ai commencé à observer aussi les musiciens et on arrive à se rendre compte quand même qu'il y a une sacrée technique au niveau de la batterie, au niveau des guitares et tout ça. Donc c'est toujours un plaisir d'aller au concert, voir des artistes jouer en direct, parce qu'on voit plein de choses. Vous allez souvent au concert vous-même, non? À part les vôtres. Oui, bah, enfin moi j'y vais dès que je peux. Et puis de mon village, on en organise aussi avec mon association. Donc, ah oui, il faut nous en parler de l'association, parce que c'est important aussi. Ouais, donc c'est l'association Larsen à Châtillon-sur-Loire. Donc, d'accord. On organise 3-4 concerts en salle dans l'année, puis un festival, un gros festival de l'été, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc à la limite, il faudrait venir nous en reparler dès que ça sera le moment. Ouais, bah, tout à fait, dès qu'on aura la programmation pour la programmation et puis venir ici avec les organisateurs, parce que voilà, on encourage. C'est vrai qu'au niveau des associations, il y a pas de concurrence. On est tous contents de faire jouer des groupes et tout ça. C'est pas une question d'argent. Les associations, elles font ça pour justement pouvoir produire des artistes. Ils sont pas d'argent là-dessus. Tous les gens, il y a beaucoup de bénévoles et tout ça. Donc c'est vraiment important, parce que les musiciens, vous êtes au même temps musicien, vous savez que c'est pas évident de jouer à des endroits. Donc dès qu'il y a des associations qui peuvent justement faire la publicité, vous proposer une scène et puis apporter du public, c'est toujours très bien. Donc on encourage justement toutes ces associations à venir parler au micro de Radio Arc-en-Ciel pour promouvoir justement chaque événement. Voilà. Très bien, donc là on vient d'écouter un groupe anglais, c'est ça, hein, il est anglais, il chante en anglais, américain, d'accord, il chante en anglais, c'est vrai que j'ai dit anglais parce qu'il chante en anglais, c'est un groupe américain, ça s'appelle Grip Inc, et le morceau qu'on vient d'écouter donc s'appelle Savage Seas, et c'est tiré de l'album Power of Inner Strength. Je sais pas comment ça se dit, hein. Moi l'anglais, je parle très bien l'anglais, le problème c'est que les anglais me comprennent pas, j'ai jamais compris pourquoi, pourtant je suis persuadé de bien le parler. Voilà, et puis j'ai aussi un petit accent du sud de Munich, donc quand je parle anglais. Très bien, donc on a aussi parlé de cet album, et je me demandais si vous aviez fait un clip. Je sais qu'il y en a eu de fait, puisque j'avais déjà diffusé le morceau Instinct Bestial, et justement le son que j'ai pris, c'était le son du clip vidéo. Donc vous avez fait ce premier clip tiré de l'album, ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'en fait on l'a fait nous-mêmes, enfin à peu près tout nous, en fait on est très autoproduction, do it yourself. Bah, très bien, c'est tout à votre honneur. Enfin, vous faites avec les moyens qu'on a aussi, donc voilà. Donc oui, le clip on l'a monté nous-mêmes, voilà, c'est surtout avec des images qu'on a apportées, fusionnées, donc voilà. Après, en fait, on va essayer de faire à peu près tous les morceaux en clip, les uns après les autres, mais tranquillement, quoi. Donc voilà. Donc vous avez fait les prises de vue, vous avez fait les montages, vous avez tout fait vous-même, quoi. Ouais. Alors là, sur ce clip-là, on a récupéré des parties qui avaient été filmées dans un de nos concerts, un petit peu. Et sur les prochains, on va faire un peu plus de prises spécialement pour les clips. D'accord. On va faire un peu plus d'apparitions. Ok. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on partagera tout à l'heure le clip aussi sur le Facebook de l'émission Mavrica, pendant qu'on écoutera la musique, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Hein. On a tellement de choses à faire en même temps dans l'émission. Il y a eu ce clip-là. Alors, le premier, c'est Instinct Bestial. Ouais, tout à fait. À la limite, c'est le prochain morceau qu'on pourra écouter de vous. Et vous comptez faire le prochain sur quel morceau? Il y a Parabellum, le morceau qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Et puis il y a Extinction aussi qu'on aimerait faire. Où là on va plus apparaître comme sur Extinction. Ouais, on cherche un décor un peu chaotique. Donc on est ouvert à toute proposition. S'il y a des auditeurs qui N'hésitez pas. Ah, on a un auditeur, là, c'est Volodymyr qui nous dit qu'il a des... il a ce qu'il fallait en truc chaotique, il a ce qu'il fallait chez lui, donc il suffit de voir avec lui. Bon, on échangera tout à l'heure les numéros de téléphone et puis vous verrez directement avec lui, hein, il n'y a pas de souci. Ça marche. Très bien. Voilà, merci Volodymyr. Donc on va continuer cette émission avec encore des morceaux. Vous avez apporté plusieurs albums. Alors il y a un album là que j'ai entre les mains. C'est le... Qui c'est qui le présente? Ah bah c'est le dernier album de Lofofora. C'est le dernier, ouais. Donc ils ont interprété déjà au Strange. Mm-hmm. Donc ça fait déjà au moins, ça fait 2 ans qu'il le tourne celui-là. Ah, c'est pareil, c'est un groupe, il est venu plusieurs fois dans la région, je crois que je l'ai déjà vu, bon ça fait un petit moment déjà. Ah bah ils sont venus plusieurs fois, puis ils sont venus aussi avec le club Les Enragés. Mm-hmm. Donc et ça c'est un groupe qui tourne et qui est très apprécié en France. Hein. Ah, et qu'on écoute rarement dans les radios, malheureusement. Bah, ça fait partie aussi des groupes qui chantent en français, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ouais, toi t'aimes bien les paroles quand il y a un sens et tout ça, hein, voilà. Ouais, comme on est en France, que les groupes chantent en français, c'est quelque chose que j'apprécie. Mm-hmm. Après, ceux qui veulent chanter dans une autre langue... Oui, ce qui n'empêche pas que tu apprécies aussi la musique qu'on l'a interprétée en anglais. Et tout à l'heure, j'ai même vu passer un titre en espagnol. Je me suis dit, tiens, ouais, mais bon, en Espagne aussi, il y a des groupes punk, heureusement. Hein. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Et tous les punks du monde, ils s'entendent bien ou comment ça se passe? Je sais pas. Non, je dis ça parce que justement j'ai vu aussi dernièrement Karl, le chanteur des Comin Termsec, vous connaissez sûrement, non? Un très vieux groupe de la région orléanaise, hein, moi je le connais depuis les années 80, et j'avais vu qu'il avait fait des concerts dans l'Amérique du Sud, tout ça, où c'était très bien perçu, donc là-haut aussi il y a des gens qui apprécient la musique, et donc ça s'exporte, on sait qu'il y a des endroits où les gens peuvent écouter du punk, et les groupes orléanais peuvent aller jouer un peu plus loin. Puis on a aussi pas mal de groupes comme les Burning Head qui sont quand même bien exportés, ils ont fait des concerts dans le monde entier, hein, voilà. Très bien, donc on va écouter Lofofora avec un titre que tu choisis, c'est Le Venin. C'est ça. Ça parle de quoi? C'est par rapport C'est un sujet qui est très d'actualité, hein. C'est un peu par rapport à la haine en ligne, le harcèlement sur les réseaux sociaux, tout ça. Mmh. Et ils ont mis un clip justement dessus. D'accord. Qui est bien sympa, qui mérite d'être vu. Ok, donc on invite les gens à aller chercher sur YouTube par exemple. Oui. On doit le trouver, Le Venin, donc de Lofofora. Et puis regardez le clip. Moi je regarderai, mais après l'émission. Donc on écoute ce morceau tout de suite. Et puis on se retrouve à nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Corrosive System. auprès de l'opérateur. Quand t'appelles au secours sur les réseaux, ça dure 4999 amis à qui tu crois apprendre la vie. Et quelques millions d'abrutis à humilier pour te sentir moins petit. Quand tu y arrives, quand tu sonnes, quand tu sonnes comme vous. Je sais que ça s'arrête brutalement, mais à chaque fois, donc c'est encore plus brutal que je pensais. Donc, mais bon, j'étais prêt, hein, y a pas une seconde entre les deux quand même. Donc à l'instant, c'était Lofofora avec Le Venin, et vous voulez nous en parler un petit peu de ce groupe-là ? Oui, tout à fait. Ça. Donc, c'est un groupe que j'adore. Renaud, donc, c'est un putain de chanteur. Sur scène, il a un charisme de dingue. Et justement, je voulais souligner le fait qu'il ait vraiment une belle plume. Ses paroles sont terribles. Et il défend bien la langue française, comme on disait tout à l'heure. Mmh, très bien. Et c'est bien de le dire, parce que les gens, quand ils écoutent la musique, ils font pas toujours attention aux paroles. Et quand elles sont bien écrites et quand ils veulent dire quelque chose, en plus, ça c'est important de le souligner quand même. Parce que les représentants de la langue française, voilà, il y en a dans tous les styles, hein, même dans cette musique bien dynamique. Et ça vaut le coup de reprendre les paroles, de détailler un peu sa façon d'écrire, les idées qu'il véhicule avec les mots qu'il choisit, qui font mouche, quoi. Ouais, qui font réfléchir, qui sont percutants. Voilà, on peut dire ça comme c'est ça. Bien c'est bien tourné, ça arrache. Vraiment, faut souligner son travail. Et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui se passent, des harcèlements, des choses qui ne devraient même pas être dites. Ça veut dire que les gens, le fait qu'ils soient un petit peu cachés derrière des pseudos, ils se permettent de dire des choses qu'on devrait pas dire, quoi, simplement par respect de l'être humain. Donc des fois, il y a aussi certaines choses comme ça qui nous agace un petit peu, parce que bon, aujourd'hui on est quand même entre personnes et on doit se respecter les uns les autres, quoi. C'est le plus important. Très bien, donc Lofofora avec un morceau qui s'appelle Le Venin et qui est tiré de l'album qui s'appelle Vanité et qui est le dernier album de Lofofora. C'est ça, le dernier album. Très bien, donc on est à l'actualité dans l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel. Un autre groupe aussi, hein, que je savais qu'on passerait un morceau, hein, c'est Les Shérifs. C'est toi, Laurent, parce que je sais que tu es un fan des Shérifs. Alors cet album-là, c'est un album qui, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il était sorti, Il est récent ou c'est déjà un... C'est le dernier. Là. C'est le dernier. Il n'y a pas écrit la date dessus. Ah, ou alors peut-être dans le petit livre, parce qu'il y a un petit livre dedans. Ah, ils ont bien fait ça. C'est un bel album, en tout cas, un bel objet. Il est sorti cette année ou l'année dernière, parce que ça passe tellement vite. Non, facile. Je suis en train de chercher en même temps si je trouve une date. Il n'y a pas de date de marquée. Bon, c'est pas bien grave. D'ailleurs, c'était vraiment un grand plaisir qu'ils refassent un album, parce qu'ils n'en ont pas fait depuis des années. C'est un groupe qui existe depuis longtemps, quand même, voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et depuis un petit moment, ils s'étaient un peu arrêtés. Voilà. Après, ils ont repris pour le plaisir, pour leur propre plaisir et celui des fans. Mais ils se contentaient, enfin, entre guillemets, de jouer tous leurs morceaux phares. Ils n'avaient pas besoin de recomposer, mais après, ça les a démangés. Ils ont sorti un petit album bien sympathique. Ça se comprend, je pense. Ouais. En tant qu'artiste, on aime bien jouer des morceaux et tout ça, mais au bout d'un moment, le fait que ça n'évolue pas, on aime bien faire changer un peu la playlist. Hein. Moi, c'est pareil, dans l'émission, si je passais toujours les mêmes morceaux que j'aime, au bout d'un moment, ça sera un petit peu lassant. Donc, il faut trouver de la nouveauté. Et ils ont eu envie de recomposer à nouveau et de ressortir des nouveaux morceaux. Et ça fait partie des groupes qui m'ont vachement inspiré quand j'étais adolescent et qui... Ils m'ont donné envie de jouer, ils m'ont donné envie de faire du punk, une musique festive, énergique. Mmh. Ils sont 5 aussi, je regarde la pochette. Oui, tout à fait. Ils sont 5 aussi. Alors l'album s'appelle Le Grand Bombardement Tardif. Donc ça a toujours un truc avec la guerre peut-être, non? Ou ils jouent avec autre chose? Parce que bon, c'est vrai que c'est des mots qui sont assez incisifs des fois, mais des fois c'est pour appuyer une idée qu'ils ont, hein. C'est pas forcément à prendre à la lettre. Hein. Oui. Ouais. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. T'as une idée, non? Non. Bon. Et puis, donc, le morceau qu'on va écouter. Alors, tout à l'heure, on a écouté le morceau numéro 5 hein, de Lofofora. Et là, c'est le numéro 5 aussi. Ah. Et ça s'appelle À Montpellier. Tout à fait. Donc, on écoute ce morceau tout de suite. Voilà, c'est un des premiers morceaux qu'ils ont fait sur scène avant que l'album y sorte. D'accord, très bien. On écoute tout de suite à Montpellier le groupe Les Shérifs. Montpellier, comme il dit, donc... Avec l'accent. Les shérifs, c'est vrai qu'on a tendance à dire Montpellier, mais lui dit à Montpellier. Voilà, au moins, au moins c'est, on le sait. Il est né là-bas, à mon avis, il est plus au courant que nous. Voilà, donc les shérifs, avec le morceau à Montpellier. Et je voulais aussi parler, donc on sait que le groupe, il existe depuis, votre groupe à vous, les Corrosive System, depuis 2019. Oui. Donc ça va faire 3 ans hein, que vous existez. Comment vous avez fait pour vous rencontrer? J'étais en train de faire mes courses. Non, en fin de compte, je vais encore faire de la pub, mais c'est avec le site Musicien dans ta ville. Mm-hmm. Donc je voulais refaire un groupe. Je me suis dit la première étape c'est de trouver un batteur, parce que sans batteur on peut rien faire. Ouais, c'est la base. Donc, voilà. Donc j'ai trouvé Nico. Ouais, tu m'as trouvé un peu comme ça, presque par hasard. Moi, j'étais déjà dans un autre projet, puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, un petit groupe de punk, on va voir ce que ça donne, ça peut être cool. On s'est fait une petite répète en style un peu bœuf, quoi. Ouais, à deux, comme ça, un peu à l'arrache, dans l'esprit. Donc ça faisait du bien, de se dérouiller un petit peu, de jouer du gros son en mettant du volume. Et puis donc après, toujours avec le même site, et ben après donc j'ai trouvé Bob. Et puis c'est pareil, je suis passé le voir, on a joué un petit peu, ça a matché tout de suite. Et puis après on s'est retrouvés tous les trois, et puis on a rapidement trouvé Hervé, le guitariste lead. Alors lui, comme il est un petit peu plus loin, on s'est retrouvé un peu à mi-chemin, dans un McDo je crois. Je fais encore de la pub. Mais... Bon, t'as pas dit que les menus étaient bons, c'est là, t'as dit non. Que ça s'est passé à cet endroit-là, voilà, c'est une indication. Voilà, puis après on a commencé à répéter tous les quatre, et puis ça l'a fait, on était bien contents d'envoyer du lourd. Là, on est resté comme ça à quatre la plupart du temps, c'est assez récent là qu'on est cinq. Puis voilà, on a fait notre petit chemin comme ça, on commençait après à faire quelques concerts, ça a commencé à venir un petit peu. Bon, ça fait un an et demi quand même. Quand on est oui, c'est vrai. C'est vrai que ça passe vite. Ça passe très vite. Le temps passe très vite. C'est vrai que là, en plus, le fait d'avoir été arrêté, on a du mal un petit peu à se remettre en route. Bon, là, je pense que c'est reparti quand même. Hein. Le oui. Covid, il continue à faire autant de victimes, mais on n'en parle plus. Voilà, on est libéré. Le quoi? Le Covid. La Covid, un peu plus. Hein. Oui. Bon, enfin bon. C'est-à-dire qu'à une époque, nous en parlait tout le temps. Là, on a dû arrêter de vivre, etc. Aujourd'hui, apparemment, les chiffres sont pas forcément meilleurs. Il y a même une recrudescence, mais aujourd'hui, maintenant, on s'y habitue. Hein. Voilà, c'est donc tant mieux pour les musiciens, tant mieux pour tous les gens qui ont été impactés justement par ces arrêts. Et donc là, les concerts commencent à revenir. Voilà, c'est donc, ça le principal, hein, c'est que c'est que ça joue, ça bouge. D'ailleurs, tout en faisant attention, voilà. On sait que maintenant il y a une nouvelle maladie qui se balade et il faut aller au concert, mais il faut pas s'arrêter de vivre. Hein, il faut quand même faire attention, mais il faut sortir, faut aller voir les concerts. D'ailleurs, cet été, il y a le Demon Bar qui a commencé à faire des concerts. Maintenant, ils en font tous les 15 jours. Ouais, tous les 15 jours. Ils reçoivent des groupes donc de métal, hein, essentiellement. Et puis, ça envoie... Ça. Drôle de bruit. C'est qu'à marcher sur le chien. Drôle de bruit. Ouais, donc c'est à Outerville, à côté de Pithiviers. Il y a un nouveau lieu de concert. Toutes les semaines, c'est plutôt orienté concert métal. Mais c'est très, très bien et il faut y aller. Une très bonne ambiance, festive, les patrons sont sympas, la clientèle elle est là vraiment pour s'amuser, pour mettre de l'ambiance. Bah c'est bien de parler des endroits, parce que c'est vrai qu'on a, pendant un moment on parlait de tous les endroits qui fermaient les uns derrière les autres, et donc dès qu'il y en a un nouveau où il y a un petit peu du mouvement, où les groupes peuvent aller jouer, c'est bien d'en parler de ces endroits-là. Voilà, on est là pour citer justement tous les endroits où les artistes peuvent se produire, et ça c'est important. Donc ça c'est plutôt orienté métal. Donc ouais. Un jour que vous êtes un petit peu agacé, que vous avez envie d'expulser toute votre énergie, vous allez là-bas et vous passez une bonne soirée, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Parce que la musique, il y en a pour tous les goûts et suivant les humeurs aussi. Hein, à un moment, on a envie d'écouter de la musique un peu plus punchy, d'autres fois, on a envie d'écouter de la musique plus calme. Donc, il faut un peu varier les plaisirs, ça c'est important. Très bien, donc c'était bien de citer cet endroit. Autre chose à rajouter ? Non, sur les concerts. Concerts, non. Donc, on rappelle à nouveau que le groupe Corrosive System cherche des endroits pour jouer. Voilà, si vous êtes organisateur de concerts sur la région orléanaise uniquement ou plus loin, vous pouvez aller jusqu'à où? Non, plus loin aussi. Plus loin. Donc, si un producteur américain qui nous écoute, qui a envie de les faire jouer à Los Angeles, il n'y a pas de souci, ils sont disponibles. C'est ça? Exact. Exact. Voilà, j'ai partagé aussi sur le Facebook de l'émission Mavrika le vidéo de Instinct Bestial, le morceau qu'on passe ces dernières semaines, parce que depuis ces dernières semaines, j'avais quand même annoncé que vous alliez venir aujourd'hui, donc voilà, j'ai voulu préparer un petit peu les gens au style de musique que vous allez pouvoir écouter ce soir, et je propose qu'on écoute aussi le morceau en tout direct. Et d'ailleurs, donc c'est vrai qu'on on dit tout le temps depuis le début là, que ce qu'on fait c'est punk, mais il y a aussi beaucoup de métal. Oui, après avec le style, ouais, c'est punk, c'est un peu un comportement, parce que le côté punk qu'on voit aussi avec les crêtes, tout ça, ça c'est un peu le cliché. Aujourd'hui, les punks sont pas forcément comme ça. Hein. Non, surtout moi, je veux pas. Ouais, voilà. C'est... Non, mais il faut le dire parce que les gens, ils ont une image. Il y en a, hein. Il y en a des gens qui ont toujours la crête, il y a les cheveux et tout ça. Mais il y a aussi des gens. Moi, j'ai vu des gens, on les verrait dans la rue, on penserait pas du tout qu'ils sont punks. Ils sont et puis. Par contre, ils ont cette rage pour dire des choses sur scène et avec un rythme bien soutenu. Donc, j'encourage les gens qui n'ont jamais été à un concert de punk d'aller voir là-bas. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Moi, je sais que j'ai été amené à voir des concerts un peu de tous les styles. Et la première fois que j'ai été dans un concert punk, j'ai dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une baston là. Non, c'est comme ça. Mais c'est dans le respect. Moi, j'ai vu les gens même s'excuser alors qu'ils m'avaient même pas bousculé. Voilà, c'est des gens qui sont là pour s'amuser. Et puis, dans les concerts de métal aussi, j'ai vu ça quand il s'est par la salle en deux et vous rentrez dedans là, j'ai dit, c'est quoi ce truc là, il va y avoir des morts? Non, pas du tout, déjà les gens sont là pour s'amuser, hein. C'est comme certains dansent, certains dans d'autres trucs, hein, ils font d'autres choses différentes et ça fait partie du jeu, quoi. C'est, on va au concert, c'est pour s'éclater. Voilà. Il y a des coutumes maintenant, c'est le oui. Wall of Death, c'est ça? ouais, c'est ça, mais Wall of Death. Circle Pit. Ouais, c'est des petits trucs, ils ont été mis en... Ouais, ça fait partie de la culture punk, quoi, voilà, et métal. Donc voilà, quand vous allez au concert, les gens... parce qu'il y a des gens qui vont au concert, ils sont assis, ils regardent des choses, voilà. Le rock'n'roll, déjà, ça s'écoute debout. Hein. Ah, ça oui. S'écoute debout, et voilà, assis, c'est pas vraiment le truc. Et alors qu'on va dans le rock... plus dur, hein, genre hard rock, metal, etc., punk. Là, il faut carrément bouger, quoi. On est là pour s'amuser, on est là pour passer un bon moment. Et puis, moi, j'ai vu les gens, ils étaient en âge, là, tellement ils pogotaient. Voilà. Et dans la bonne humeur. Et la foule qui se déchaîne, bah, ça dégage de l'énergie. Ça dégage de l'énergie. Pour le groupe, c'est super, quoi. Après, on peut renvoyer l'énergie. Oui, il y a ce petit côté un petit peu violent, mais ça fait partie du. Je pense que ça fait partie de l'apparence, quoi, du truc, mais bon, c'est jamais méchant. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais vu de bagarre dans des concerts comme ça, hein. Ça se passe toujours très bien, parce que les gens, ils sont là tous pour partager la même chose. Voilà. Tout à fait. On écoute donc Instinct Bestial, le morceau donc dont j'ai partagé le clip tout à l'heure sur le Facebook de l'émission Mavrika, et je vous encourage à aller nous mettre un petit j'aime, hein, pour tous les gens qui nous écoutent, les gens qui sont sur Facebook, j'espère que ça vous donne envie aussi de nous écouter sur radioarc-en-ciel.fr ou .com, vous pouvez marquer les deux, de toute façon vous tombez sur nous, radio-arc-en-ciel.fr, et vous pouvez aussi nous écouter sur la région orléanaise sur le 96.2 MHz, tout sur cette bonne vieille bande FM. Voilà, on écoute tout de suite Corrosive System avec Instinct Bestial. Yeah.

petit peu de poésie hein, dans ce monde de brut. Voilà, un petit peu de poésie. Ouais, c'est vrai que c'était un des morceaux les plus cool qu'on ait écouté jusqu'à présent. Hein. Donc c'était le groupe La Jarrie avec Marc D'Amour, le groupe La Jarrie qui sera dans nos studios le 18 novembre. Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas reçus à cause encore une fois du Covid. Et cette fois-ci, ils reviendront donc pour nous parler sûrement de leur album qui s'appelle Super Époque. Voilà. On a écouté un morceau qui s'appelle Marc D'Amour, donc un morceau cool, qui nous parlait d'un sujet que j'ai vu hier soir à la télévision, c'était avec Florence Cassé, c'est ça, voilà, qui avait été emprisonnée dans les prisons du Mexique, voilà. Et donc ça raconte un petit peu cette histoire, c'est un sujet qu'a traité le groupe La Jarrie. Juste avant, c'était le groupe Delorto, vous connaissez le groupe Delorto, non? Non. Si vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est pareil, ça envoie du bois. C'était un morceau sur Donald Trump qui s'appelle Donald, tout simplement. Voilà. Et puis Delorto, c'est aussi, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les carburateurs qu'on mettait sur les 103 SP pour pouvoir aller un peu plus vite à l'époque, hein, pour dépasser les 100. Hein. Donc pour les gens qui sont de cette époque, ils s'en souviennent forcément, puisque à l'époque on avait que des mobilettes et pour aller un peu plus vite, on modifiait les carburateurs et c'était la marque de ces fameux carburateurs. Et juste avant, on avait écouté le groupe Corrosive System qui est notre invité ce soir avec le fameux morceau Instinct Bestial qui parle de la maltraitance des animaux. Tout à fait. Des animaux. Voilà, des animaux. Voilà, c'était pour voir si vous étiez réveillé. Voilà, parce que dans l'émission, quand même, là, il y a eu un truc de un peu plus calme, donc on s'est un petit peu assoupi, mais je pense que derrière, il va encore avoir des morceaux très toniques. Voilà, ça va nous mettre quelques petites claques, ça va nous réveiller. Ouais, ça va nous réveiller. Non, et vous endormez pas, hein, dans l'émission Mavrika. Donc, on a encore plein de choses à découvrir. Alors par exemple là pendant qu'on écoute de la musique, on a aussi des coups de téléphone, on a aussi choisi les morceaux qu'on allait diffuser dans les prochaines minutes et donc on a eu un petit coup de téléphone d'un monsieur qui s'appelle Christophe Danaker qui est aussi le guitariste du groupe Prisma. Donc il vous embrasse métalliquement, je sais pas si ça se dit mais en tout cas il vous écoute et apparemment. Et justement, le groupe Prisma, vous connaissez, non? Non, pas. Donc, c'est un groupe de. Ils se qualifient eux-mêmes de rock FM. Donc, rock un petit peu de. Qui avait une époque où on passait dans les années 80 avec des synthés. Il y avait ce côté un peu plus. Synthétique, hein. À l'époque, il y avait synthé qui était rajouté par rapport aux autres groupes de rock. Et donc, le groupe Prisma, il sera en concert très bientôt. Donc, ça sera jeudi prochain, le 3, ça tombe le 3, c'est ouais, c'est peut-être ça. Jeudi 3 novembre, ils seront au Château d'Eau à Blois. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de groupes qui se produisent et ils seront c'est à partir de 18h et ça sera avec Chris et Léo qui font partie aussi du groupe Barricade que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc n'oubliez pas, si vous avez envie d'aller voir le groupe Prisma et vous les avez pas encore vus sur scène, il faut aller au Château d'Eau le jeudi 3 à 18h. Et il y aura le groupe Prisma et le duo Chris et Léo du groupe Barricade qui reprennent des super chansons en français avec des belles paroles aussi. Hein. Donc voilà. Tout à fait. Faut y aller. Comme ça, on peut chanter en même temps. Toute notre énergie. C'est vrai, parce que des fois on essaie de chanter en anglais, mais on n'est pas toujours très doués, nous les Français, pour chanter en anglais. Donc quand c'est en français, ça nous facilite beaucoup la vie, puis on peut tous chanter ensemble. Ah, c'est bien, c'est que le public il repère facilement le refrain, il repère les paroles. Donc au premier refrain il t'écoute, au deuxième refrain il chante avec toi, ouais. Donc c'est génial. Ah ouais, quand on arrive à faire ça, c'est quand vous êtes sur scène, quand vous arrivez à faire chanter le public, ça peut être quelque chose de fabuleux, quoi, quelque chose de bien. Moi j'imagine, hein, moi je suis jamais monté sur une scène, j'ai jamais fait chanter les gens, mais j'imagine que effectivement quand les gens reprennent les morceaux, j'ai pu le voir d'ailleurs avec le groupe Syndrome 81, il y avait des gens qui connaissaient toutes les paroles, donc le chanteur étendait le micro, les gars ils continuent à chanter, je trouve ça formidable. Alors que nous on découvrait ces morceaux. Là. Mais il y a des gens qui suivent des groupes comme ça et puis qui connaissent toutes les paroles par cœur. Et bon, plus un groupe est connu, plus il y a de gens qui les connaissent. Donc des fois, il y a la foule qui reprend un morceau. C'est fabuleux, quoi. Je crois que c'est des moments magiques, ça, dans la vie des musiciens. On va continuer donc avec un morceau d'un groupe. Vous avez choisi, vous nous avez apporté plusieurs CD, plein de choses à découvrir. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude d'écouter ça dans les radios. Et c'est pour ça que Radio Arc-en-Ciel est là, pour faire écouter justement ce que vous n'écoutez pas dans les autres radios. Hein, parce que si tout le monde fait la même chose, ça ne sert à rien. Nous, on est la radio différente. Et c'est un groupe qui s'appelle Megadeth. Exactement. Qui c'est qui nous en parle de ce groupe-là? Ça fait partie des groupes donc comme Metallica, Maiden, c'est je me suis exercé à la guitare sur les tablatures de ces morceaux-là dès le départ, quoi, parce que c'est technique, c'est mélodique, c'est entraînant. Ouais, c'est une des références du métal américain du début des années 80. Mm-hmm. Au même titre que Metallica, on est un peu moins connu. Voilà. Oui, c'est peut-être un petit peu moins. Metallica, effectivement, il a une carrière, ils sont connus par tout le monde. Et puis, ils avaient aussi leur slow qui était assez connu aussi et qui ont fait que même les gens qui s'intéressent pas directement à la musique métal ont adoré. Mais bon, Megadeth, peut-être un peu moins connu, mais c'est quand même un des grands groupes qui a marqué son époque aussi. Voilà. Avec Dave Mustaine qui dirige tout ça. Mm-hmm. C'est lui surtout compositeur, auteur. Et donc, il a joué dans Metallica également. Ah ouais, donc le monde est petit hein, quand on regarde bien. Donc l'album s'appelle The System Has Failed. C'est donc ça. Le système s'est planté quoi. C'est un peu ce qu'il y a dans les ordinateurs quand il y a un problème, le système est planté. Donc c'est un peu ça hein, que ça parle. C'est un petit clin d'œil aussi à Corrosive Systems. Hein, oui, ouais. Finalement. Et puis le titre numéro 7 qui s'appelle Back in the Day. C'est le morceau qu'on va écouter. Exactement. Tu as choisi ce morceau-là, pourquoi? Ah, parce que je l'adore, mais par contre, je pourrais pas traduire, détailler ce qu'il a écrit, parce que j'ai pas traduit. Bon, on va sur une idée nous-mêmes. On écoute le morceau tout de suite. Ça marche. Back in rock comme on aime bien qui déménage. Donc c'était le groupe Megadeth avec un morceau qui s'appelle Back in the Day. Et on a encore d'autres morceaux à écouter. Par exemple, vous m'avez aussi amené un album de Pantera. Yes. Voilà, c'est aussi un des groupes qui vous a influencé, qui vous a donné envie de faire la musique. Moi, ça fait partie des premiers groupes où il y avait plus de punch, plus de du son plus lourd. Bon, après, derrière, il y a eu bien plus puissant. Mais à l'époque, voilà, moi, j'écoutais plus du Halloween, du Iron Maiden. Quand j'écoutais Pantera, je dis, oula, ça monte d'un cran. Ça monte d'un cran. On a passé un cap encore. Ouais. Puis derrière, après, avec le metal extrême, bon, là... Ouais. Pantera, c'était un peu l'un des premiers avec des rythmiques carrées, un peu saccadées. Qui s'appelle le groove metal. Très rythmé, ouais. C'est ça que j'aimais bien aussi, le fait qu'il y a des coupures dans les rythmiques, dans les riffs de guitare. D'accord, donc voilà, ils ont apporté quelque chose de nouveau dans le métal. Et en plus, vous nous parlez, bon, parce que c'est vrai que les gens, voilà, ils essaient de faire une famille. Il y a le rock'n'roll, il y a le hard rock, il y a le métal, il y a plein de choses comme ça. Et là, vous nous avez encore trouvé des nuances qui sont là-dedans. Mais en vérité, tout ça, c'est la même famille, c'est une manière de jouer. Des fois, ils inventent quelque chose et puis ils l'utilisent à plusieurs reprises. C'est repris par d'autres groupes et donc on dit que c'est dans la même mouvance, quoi. C'est ouais, comme c'est... ça que ça se passe. Bah, pour moi, tout ça, c'est du métal. Après, effectivement, il y a le thrash, il y a le oui, comme on vient de dire. Et pour toi, le métal, c'est du rock? C'est du hard rock? Bah, ça reste dans la famille du rock. Mais ouais. Ouais. Non, je suis content de vous l'entendre parce qu'une fois, on a eu le sujet ici et où il y avait, je dis, voilà, le métal, ça fait partie du hard rock. Le hard rock, et puis moi, je vois ça comme un dérivé du rock qui est dur, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et le métal fait partie de cette famille-là. Et on m'avait dit, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, on a eu tout un truc là-dessus dans cette émission. Nous, alors que pour moi, bon, ça reste du rock. C'est du rock accéléré. Est très très dynamique, mais bon, c'est pour moi, c'est après, rock, il peut toujours y avoir plein de débats là-dessus, mais oui, bah oui, parce que dans le métal, il y en a aussi beaucoup. Ça se rapproche aussi, ça peut choquer, mais de la musique classique, parce qu'il y a beaucoup de mélodies, oui, tout à fait. Hein. La particularité du métal, c'est que vraiment ça se mélange avec tous les autres styles de musique, que ce soit du rap, de la techno, du classique. Et avec tous les instruments, on trouve du piano, des violons, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ça peut se retrouver à un moment donné dans du métal. Mm-hmm. Et le mariage se fait super bien. Même avec de la harpe. Ah oui. Moi, je pense que, bon, on l'a dit plusieurs fois ici dans l'émission, finalement, la musique, il n'y en a qu'une. Après, c'est la manière d'interpréter qui fait les différents styles. Mais comme je dis souvent, si on a envie de sortir un Georges Brassens en métal, ça sera toujours du Georges Brassens, tout ça sera du métal. Ouais. Donc, on peut le sortir aussi en reggae. Mais bon, ce qu'il veut dire, c'est la manière d'interpréter qui est un peu différente. Et puis, suivant les styles, suivant les sensibilités de chacun, on aime plus ou telle ou telle manière d'interpréter les morceaux. Mais finalement, la musique, quand elle est bonne, elle est bonne. Quoi. Il faut aller voir. Il ne faut pas se donner des limites. Parce que justement, c'est en écoutant plein de choses qu'on arrive à se cultiver et d'apprécier encore plus de choses. Voilà, c'est culturel, hein. Ça s'apprend là, à aimer. Il y a des choses qu'on aime instinctivement, il y a d'autres choses que des fois on rentre un petit peu, on dit oh là, c'est. Et après, petit à petit, on se dit ouais, mais finalement, il y a des bons trucs. Et puis petit à petit, on est demandeur même, on va au concert et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut parler. Il faut parler des trucs. Et malheureusement, la radio, c'est un peu le rôle de faire découvrir des choses, et aujourd'hui elle a un petit peu perdu ce rôle là donc c'est bien de revenir et de diffuser des morceaux qu'on n'écoute pas forcément dans les autres radios. Voilà donc on a parlé de Pantera et on avait dit qu'on écouterait un morceau, et cette fois-ci c'est encore le 5. C'est quand même drôle, hein, parce que c'est l'émission quand même 525, hein. Donc je crois que le 5, c'est il y a un signe avec Corrosive System. Il y a quelque chose. C'est pas le 6. Ça va. Ouais, parce que ça aurait pu être le triple 6. Bon, après dans les groupes de métal, ça se fait aussi, hein. Mais donc le titre numéro 5 de cet album qui s'appelle Reinventing Earth. Non, c'est Walk. Ah non, c'est un best-of. C'est un best-of. Et le morceau s'appelle Walk. Voilà. Donc c'est un best-of de Pantera que vous m'avez apporté, qui s'appelle Reinventing Hell. C'est ça. Ça veut dire l'enfer réinventé. je suppose. Et Walk, ça veut dire marcher. Tu vois, je comprends parfaitement l'anglais. C'est les Anglais qui décidément ne veulent pas me comprendre. On écoute donc ce morceau de Pantera qui s'appelle Walk. We'll be right back. under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no stacking anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned. Les concerts de Pantera. Pantera. Ouais. Se jeter dans la boue. Ah ouais, carrément. Des fois, dans les festivals, il se passe des choses aussi. Des fois, il se met à pleuvoir et puis les gens continuent. Tout le monde le sait, les festivaliers, quand ils sont décidés, ils sont décidés. Hein. Donc, dès qu'il y a de la bonne musique, ils ont préparé ça pendant toute une année. Ils sont là. Il peut se passer ce qui se passe. Ils continueront à écouter leurs artistes qui sont venus voir. Voilà. Donc, donc c'était une blague, votre truc, mais non. Oui, oui, oui, non, mais par contre, il a vraiment assisté au concert de Pantera. D'accord. Ce qui est déjà pas mal, hein, même si on n'est pas forcément obligé de se jeter dans la boue pour passer un bon moment, hein, même si c'est bon pour la peau. Tout à fait. Très bien, donc le groupe Pantera avec un morceau qui s'appelle Walk. Voilà, en tout cas, on a pu apprécier au moins un morceau des différents groupes que vous nous avez apporté ce soir. Il y en a encore d'autres, je ne sais pas si on aura le temps de tout passer parce que le temps passe très vite. Et puis on a aussi cet album à découvrir, le groupe Corrosive System avec cet album qui s'appelle Extinction. Extinction, c'est pas si facile à dire, hein. Extinction. Voilà. Et puis donc on a calé d'autres morceaux. Alors le morceau qui arrive juste après, c'est Nous sommes tous frères. Oui. Alors, il y a quelque chose à dire là-dessus. Là, c'est le thème du racisme. Ouais. C'est-à-dire que c'est affligeant, comme quoi l'humain, il cherche tout le temps à se faire la guerre. Tous les prétextes sont bons. Ouais, quand c'est pas la couleur, c'est la religion. Quand voilà, c'est pas ça, il y a plein de choses. Même pour des anciens conflits, on sait même plus d'où ça vient. Mais bon, on continue à se faire la guerre quand même. Tabasser, plutôt que de discuter et puis de trouver un entendement. Hein. Et puis le message, c'est qu'on est tous sur la même planète. Quoi. Il y a pas de frontières. Quoi. Les frontières, c'est encore l'homme qui a inventé ça, mais on est tous sur la même planète. Oui, on est tous sur la même planète. Faut vivre en harmonie, quoi, pas s'entretuer les uns les autres. Mm-hmm. Ah bah très bien, tu vois, moi ça me fait plaisir d'entendre des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu utopique, mais si on pense pas à ces choses-là, on n'arrivera jamais. Il faut qu'on arrive à s'entendre, mais on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des coutumes différentes, mais ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux autres personnes, voilà. Et une fois qu'on connaît, qu'on rentre un peu dans leur culture, inversement, il y a des échanges qui doivent se faire pour qu'on arrive à tous se comprendre, voilà. Et malheureusement, les langues, c'est pas toujours évident à se comprendre quand on a des langues différentes, mais bon, je crois que la musique, c'est justement un langage universel qui nous permet de partager des bons moments, quelles que soient nos origines, quel que soit l'endroit d'où on vient, la langue qu'on parle, la couleur qu'on a, à partir du moment où c'est de la bonne musique, et ben on écoute avec beaucoup de plaisir. Donc la musique, la bière aussi, ça rapproche. Ouais, il y a des choses comme ça. Non, enfin, ce qu'il faut mettre en avant, c'est justement la convivialité, le fait d'être tous ensemble, de passer des bons moments. Il n'y a que ça vrai dans la vie finalement. Exact. Donc la musique ce soir, aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique un peu dynamique. Donc je sais que habituellement c'est plutôt dans l'émission de Christophe qui s'appelle Metal Maniac, que vous écoutez régulièrement sur Radio Arc-en-Ciel, où on écoute du métal, mais aujourd'hui dans l'émission Mavrika, on écoute du métal, on écoute du punk, on écoute plein de choses différentes, et pas que, hein, des fois une petite balade de temps en temps, ça nous fait du bien aussi, et on va continuer donc avec Corrosive System, Nous sommes tous frères, c'est ça le sujet sur le racisme. Je suis le fils des âges. ça s'est vite expédié. 1 minute 35 un morceau, donc les RNCs avec You Can Shake. Et juste avant, c'était le groupe Corrosive System avec Nous Sommes Tous Frères. Et encore une fois, j'ai regardé le BPM, 155, c'est un signe, les 5, il y en a partout. Il y en a partout. Les RNCs qui font du speed rock tournent à 130 et quelqu'un. Ils sont un peu moins rapides que vous. Hein. Là, dans les prochains morceaux, là, dans les prochaines compos, il y en a même un qui a 190. Toujours plus. Qui voilà. Court. Ça, c'est notre guitariste, Hervé, il veut de la vitesse. Il veut de la vitesse, voilà. Il aurait dû être motard. Et puis, du coup, ça me fait rappeler un petit peu les Ramones qui reprenaient aussi des morceaux de rock'n'roll. Et du coup, il jouait tellement vite que finalement, ça durait 1 minute et quelques, un peu comme les RN6. Et d'ailleurs, les RN6, je les avais vus une fois en concert, c'était avec les Ramonas. C'est un groupe anglais de filles qui reprend les morceaux de Ramones. Et donc, les morceaux sont toujours très courts. Et puis, les RN6 que j'ai rencontrés il y a pas très longtemps, qui reviendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur nouvel album d'ici quelques temps, dans les mois qui viennent. Hein. Donc, de toute façon, on garde le contact. Ils viendront ici pour nous présenter leur album qu'ils sont actuellement en train de finaliser. Et puis, les RN6 qui étaient déjà venus une première fois ici dans les studios. Et franchement, c'est un groupe que j'aime bien aller voir en concert. Voilà. On revient encore à cet album. Donc, ça s'appelle Extinction. C'est le groupe Corrosive System qui est là pour le présenter ce soir. Il y a des questions que je vous ai pas posées, mais que je vais vous poser tout de suite. Quelles sont les deux couleurs qui qualifieraient le mieux votre univers? Il y a le métal et le punk rock. Ouais, mais ça, c'est les couleurs musicales. Ah, mais oui. Moi, je parle des vraies couleurs, par exemple. Ah, je dirais le noir et le rouge. Ah, ouais, moi, je vois bien ça aussi. Et c'est vrai que si on regarde bien les affiches, souvent c'est les couleurs qui apparaissent un peu dedans. Donc vous avez Corrosive System, l'affiche du disque, apparemment la couverture du prochain disque, avec un globe, il y a des mains, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a notre logo avec, on distingue des yeux, une silhouette, mm-hmm. qui sont un peu floues. Donc la pochette, en fait, ça représente la Terre qui est un peu en feu. Mmh. Et qui est entre de mauvaises mains. Voilà, très bien. Donc c'est une belle image. L'image est jolie, hein, en plus. Donc j'en ai profité pour faire l'affiche de l'émission Maverick de ce soir. Et puis on remercie Georges qui a fait aussi l'affiche qui est sur le Facebook de Radio Arc-en-Ciel que j'ai repartagé aussi. Où on voit, Georges il a cherché justement une image de Corrosive System et il s'est pas trompé de groupe. Il aurait pu très bien prendre un autre, mais il a bien trouvé. Il vous a bien trouvé. Voilà, donc Corrosive System avec les deux airs inversés, dos à dos. C'est votre logo. Ça. Alors c'est notre ancien logo. Ah, c'est l'ancien logo. Il est quand même un petit peu d'actualité puisque depuis 3 ans, le groupe est encore récent. Donc depuis, vous avez changé alors. Ouais, en fait, on l'a changé avec la sortie de l'album là. Mm-hmm. Pour un nouveau logo qui est. C'est un peu plus moderne. Donc celui que je vous montre là actuellement, là, celui de l'affiche, ça c'est le nouveau celui-là. Voilà. Voilà, donc là on voit bien l'affiche. Et en plus, je l'ai imprimé, donc je vous en donnerai une tout à l'heure, comme ça fera un petit souvenir de l'émission Maverica, numéro 525. Il y a toujours des 5 là-dedans. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous porter bonheur, hein, 525. Ça fait 525 émissions que je fais quand même ici avec des artistes différents, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait bientôt 13 ans, en mois de juin, ça fera 13 ans. Donc 13, c'est un chiffre, je sais pas si ça porte bonheur ou malheur, mais nous, on va penser que ça nous porte de bonheur et qu'on va pouvoir encore continuer longtemps à recevoir plein de bons artistes parce qu'on n'arrête pas d'en découvrir. Est-ce que vous avez des groupes que vous avez envie de citer parmi les groupes que vous avez pu rencontrer, partager des scènes? Ouais, il y a un petit groupe assez jeune qui est très très très récent. C'est plus dans un esprit métal extrême. Mm-hmm. Et il s'appelle Fight for Fate. Ouais, c'est des amis. Si ça peut les aider, ils tournent tout le temps, ils font des concerts partout. Ils sont d'Orléans. Très bien. Tu vois, moi j'en découvre encore. Malgré que je m'intéresse, que je cherche et tout ça, il y a toujours des nouveaux projets. Bon, c'est pareil, c'est un nouveau projet, donc forcément, on le connaît pas encore tout à fait. Mais donc, pourquoi ne pas venir faire une émission un jour avec nous aussi? Voilà. Il y a de la place. Hein. Moi, dès qu'il y a de la place, je cale les gens. Donc, tout à l'heure, j'ai cité toutes les personnes qui allaient être reçues dans l'émission Maverica dans les prochaines semaines. Et on les complète jusqu'à fin novembre. Et quelques dates. J'ai déjà la première personne aussi pour le 2023, hein, le 6 janvier, je reçois à nouveau notre ami Alexandre Lebaille qui viendra ici passer un moment avec nous. Et quelque chose me dit qu'on le verra avant la fin de l'année aussi. Voilà. Donc c'est pour une petite surprise qu'on vous garde pour les prochaines émissions. Voilà, donc ce groupe-là, comme tu m'as dit, Fight for Fate. Fight for Fate. Fate, ça veut dire quoi Fight, c'est la bagarre, quoi. Ouais, c'est le combat. Hmm? Et Fate, j'ai plus en tête. D'accord, mais enfin, je pense que c'est un jeu de mots par rapport à la prononciation. D'autres groupes encore que vous connaissez? Oui, il y a, enfin, par chez moi aussi, il y a le groupe Les Excités. Les Excités. C'est un vieux groupe de punk. Oui, parce que ça me dit quelque chose. Je me demande si on a déjà passé un morceau des Excités dans l'émission Mavrica, d'ailleurs. Ça me dit quelque chose. Ouais, ils avaient arrêté pas mal d'années. Donc là, ils ont repris cette année. Donc ça recommence à faire des concerts et un peu partout. Ils vont bientôt ressortir des nouveaux trucs, je pense. Très bien. Donc c'est bien de les suivre. Hein. Peut-être un jour dans l'émission Mavrica aussi. D'autres groupes encore? Bon, on peut parler des No More Back, dont tu as fait partie aussi. Oui. Actuellement, ils sont peut-être un peu en stand-by, je ne sais pas, parce que bon... Oui, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est en stand-by, il n'y a rien qui a bougé depuis un certain temps, non? Mais ils avaient reformé un autre groupe, mais je ne crois pas qu'ils aient joué. D'accord, oui, bon, il y a eu le Covid, et puis il y a aussi un heureux événement qui est arrivé dans la vie de Kevin, donc forcément, il est devenu papa, et ça prend beaucoup de temps, hein, donc il a peut-être laissé un petit peu de côté, mais je suis sûr qu'il va revenir, c'est un passionné. Par contre, quand on se retrouve, on se fait des petits bœufs, ça rappelle le bon vieux temps. Bah oui, ça, tu m'étonnes. Ça fait plaisir. Voilà, d'autres groupes encore? Ouais, peut-être. C'est vrai que vous n'étiez pas préparé, donc je vous ai posé la question comme ça. Après, ça va vous revenir. Vous allez partir chez vous dans la voiture. On aurait dû parler de tel groupe, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Ok. Donc, on a écouté On est tous frères, et maintenant on va écouter un morceau qui s'appelle Les Trois Sœurs. Tout à fait. Alors, donc ça, c'est le. C'est quoi Les Trois Sœurs? Alors, c'est un thème là qui change des autres thèmes, c'est-à-dire que. Les autres morceaux, voilà, c'est sérieux, les sujets, c'est des sujets graves qu'on aborde. Là, c'était un peu la récré pour se défouler, pour se marrer, parce qu'on voit comme quoi on se prend pas au sérieux. Et donc, en fin de compte, c'est tiré d'une blague. Et que je. Tu vas le raconter, non? Ouais, je peux le raconter. Ouais. Et après, que j'ai adapté pour faire les paroles de la chanson. D'accord. Et donc, la blague en question, je vais essayer de faire court. Donc c'est trois bonnes sœurs qui décident de partir en vacances et puis elles écrivent une carte postale à la mère supérieure. Donc la première a dit à la mère supérieure dans la carte postale, c'est je suis en Italie, je mange des spaghettis et le soir je prie. Elle dit oh c'est bien. La deuxième carte postale c'est je suis en Angleterre, je bois de la bière et je fais mes prières. Donc elle dit ah bois de la bière c'est bien ouais la bière bon déjà c'est un peu moins bien mais les prières bon top. Ça c'est pas top mais bon elle fait ses prières donc là ça va et puis la dernière donc là elle envoie la carte postale à la mère supérieure en disant je suis en Ululu j'en prends plein le cul tu me verras plus. D'accord oui effectivement là par contre elle a tout faux. par rapport à la mère supérieure mais peut-être qu'elle a raison aussi. Moi, je pense c'est une manière de voir les choses hein. Après suivant la vocation de chacun voilà. Faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Donc c'est grâce à cette histoire que tu as eu envie d'écrire l'histoire des trois sœurs. Voilà, c'est ça. Après il a fallu mettre ça en parole. Ben on va l'écouter tout de suite alors, on va voir le résultat. Ça c'est marche. Parti. Je suis pour le seul qui décidait de partir en tout cas. écouter deux morceaux à la suite. On a écouté les Corrosive System avec les trois sœurs, donc cette histoire mise en musique, hein, histoire drôle, voilà, comme quoi on peut faire des choses sérieuses avec des choses très drôles en s'amusant, hein, tout simplement. Et puis à l'instant, un groupe que Laurent a forcément reconnu, hein, tout à fait, No More Back. Les No More Back avec les Droits de l'Homme, hein. Donc il y a eu plusieurs versions, et ça c'est la version définitive, celle de l'album, donc qu'ils ont sorti. Et puis après, il y a eu le Covid et tout ça, finalement. Donc maintenant, on attend l'actualité. J'espère qu'ils vont se remettre un petit peu à la tâche dans quelques temps, et puis le revoir en concert, et pourquoi pas dans l'émission Maverick, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc on a écouté beaucoup de musique. Il reste encore 4 morceaux de votre album à écouter, hein. Donc il reste une demi-heure. Donc on a le temps, tranquillement. On va écouter les morceaux, parce que c'est important d'écouter l'album en entier. En plus, l'album, donc maintenant, je l'ai sur mon disque dur, donc je pourrais le diffuser dans les prochaines émissions aussi. Un petit Corrosive System de temps en temps, ça fait pas de mal. Et j'ai calé le prochain que j'ai calé, c'est celui avec lequel je vous ai découvert, donc c'était 99%. Ah, voilà, donc on va mettre celui-là d'abord. Vous voulez nous en parler un petit peu de ce morceau-là, non? Oh, bah c'est le tout premier morceau qu'on a. Ouais, c'est le premier qu'on jouait en répète. Quoi dire dessus? C'est le message, c'est faut se battre pour ses libertés, quoi. Mmh. Ouais, parce que la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut toujours défendre, parce que sinon, au bout d'un moment, elle tombe encore. Là, on a parlé des droits de l'homme, c'est des valeurs que vous partagez forcément avec les No More Back, et le respect des êtres humains, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, si on veut continuer à vivre à peu près libre, parce que bon, il y a quand même des lois auxquelles il faut se plier, bah il faut défendre justement ça, parce que sinon il va se passer comme il s'est déjà passé il y a 70 ans ou 80 ans, encore des gens qui sont totalitaires, qui vont vouloir gérer le monde à leur manière et qui vont encore faire le bazar, quoi. Ça finit toujours mal. Par contre, c'est une minorité qui écrase le reste du monde, quoi. Tout à fait. Donc d'où le titre 99%. Après, par contre, ce morceau-là, donc, je m'étais exercé à faire le refrain anglais, chose que j'ai pas renouvelée. Mais Ah bon? Non, ça rentre pas l'anglais, c'est pas ton. Ouais, c'est pas trop mon truc, mais c'était sympa de l'avoir fait. Ouais, bah ouais, voilà. C'est bien de faire l'effort. Voilà. Et puis ouais. C'est assez mélodieux comme un hymne, et donc en concert, ça marche bien. D'accord. Donc on l'écoute tout de suite. C'est parti. C'est parti. We'll be right back. c'est le premier morceau avec lequel j'ai découvert justement le groupe Corrosive System. Je me suis dit, tiens, un nouveau groupe sur Orléans, ça envoie bien. Et après, j'ai su qu'il y avait Laurent qui faisait partie de ce groupe-là. Voilà, donc on a encore trois autres morceaux à écouter. Je voulais parler aussi de vos projets. Donc, tout à l'heure, on sait que vous avez enregistré un album. Il est sorti il y a quelques mois, au mois de septembre. Cet album-là, on peut le trouver où? Alors sur toutes les plateformes comme on disait tout à l'heure. Ouais, et après il sortira en vinyle aussi. En vinyle, en CD, peut-être en vinyle, je sais pas, j'ai peut-être avancé en CD d'abord, ouais. Je pense. Ouais, en CD d'abord. En CD. Et vous êtes nostalgique un peu des vinyles aussi, non? Peut-être. Non, pour l'instant, c'est pas dans le pas spécialement. Après ce qui est un petit peu embêtant pour les... ça se vend bien les vinyles, il y a un petit renouveau. Ouais. Ou après à fabriquer, ce qui est oui, il paraît que c'est cher et ouais, tout ça. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher que les CD et en ce moment c'est compliqué. Il y a un peu partout chez tous les fabricants, il y a 3-4 mois de délai pour faire des petites séries de vinyles, quoi. Mm-hmm. Ouais, parce on va faire des CD pour les concerts. Mais on va d'abord faire des CD. Ouais, on va d'abord faire des CD. Donc les CD par exemple, on pourra les retrouver à vos concerts. Exactement. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de date définitive, mais vous êtes en recherche de concert. Donc on lance encore une fois le message. Si vous avez envie de faire jouer les Corrosive System, nous inviter de ce soir, ben n'hésitez pas à nous contacter directement sur l'émission Mavrica ou alors directement Corrosive System sur Facebook par exemple. Ou... Oui, il y a tous les contacts sur Facebook. Donc sur Facebook, il y a tous les contacts, vous pouvez les contacter et les faire jouer. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir de les voir sur scène dans la région orléanaise, parce que moi, c'est là où je suis. Mais s'il faut faire quelques kilomètres, on le fera aussi. Hein, voilà. Donc, il y aura donc des nouveaux clips aussi, puisque vous avez envie de faire des clips sur différents morceaux de cet album. Donc, pour l'instant, il y en a un déjà sur Instinct Bestial. Voilà. Et donc, les prochains, ils vont venir au fur et à mesure. Parabellum etc. Voilà. Et après, est-ce que vous avez d'autres projets encore qu'on n'aurait pas cités? Donc déjà faire du concert. Bah, et ben on continue de composer. Ah ouais, voilà. Ouais, on a encore un nouvel album. Ce sera plutôt d'ici un an. Donc on les morceaux les uns après les autres, mais ça continue. Ouais. Non, le prochain, c'est bon. Donc vous avez des nouvelles idées. C'est comment que ça vient? C'est d'abord des idées ou les paroles? Ou c'est la musique qui vous entraîne les idées ou... C'est la musique, le démarrage. La musique, donc, ouais. Voilà. Certes, on a quelques riffs de guitare et puis, ou de basse, et puis après, on met ça en place, on rajoute des leads, on pose le chant dessus. Donc l'idée de départ vient un peu de chacun d'entre nous, à tour de rôle, selon les morceaux, et puis après... On part d'une idée de départ, puis chacun y rajoute sa touche. Ça marche au feeling, quoi. C'est comme ça que ça doit fonctionner. De toute façon, c'est de l'émotion que vous avez envie de donner. Ouais, et des morceaux qui sont des fois remaniés, c'est différent de ce qui était prévu au départ. Oui, mais c'est ça aussi qui est la musique vivante. Hein. C'est une question que je demande souvent. Voilà, les gens, souvent, ils enregistrent un disque et ça reste figé. Mais après, les morceaux, vous continuez à les faire évoluer quand vous êtes sur scène. Par exemple, vous êtes un groupe de scène ou un groupe de studio? Alors sur scène, on les joue un peu différemment. En fait, on accélère. Ah, vous accélérez encore plus. Toujours. Ouais. Mais ça, c'est une tendance. Hein. Je crois que les musiciens, peut-être le stress qui fait que... L'adrénaline qui fait que vous jouez un peu plus vite. Mais bon, je pense que les gens qui vont vous voir, c'est un petit peu pour ça aussi. Hein. Non, ça fait partie du truc, hein. Pour goûter, pour se défouler. Pour se défouler. Voilà, donc, et d'autres projets peut-être, non? J'aurais pas pensé, non. Bon, déjà défendre l'album, faire des concerts, faire le clip, c'est déjà pas mal. Et puis, entre temps, vous composez, vous avez déjà des nouvelles idées. Et donc, voilà, vous passez, vous pensez déjà au futur. Voilà. Voilà. Donc il y a des gens qui essaient de nous joindre au téléphone. Donc voilà, on est à l'antenne, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, on répondra tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On va continuer à découvrir cet album. Il nous en reste encore trois morceaux à découvrir. Le temps passe vite, on va être bien comme il faut, hein, impeccable. À la limite, on peut en envoyer deux de suite, hein, si vous voulez. Ah, oui. On voit lesquels, les deux qui restent. Donc Féminicide. Oui, bah, les deux qui restent. Féminicide et on garde le dernier pour la fin. Ouais, voilà. Donc féminicide et l'autre c'est quoi? Les liens du sang. Les liens du sang. Et puis emblème. Voilà. On va écouter d'abord les liens du sang, féminicide et on garde emblème pour la fin alors. On fait comme ça? Ça roule. Voilà, c'est parti. On écoute encore les morceaux de cet album qui s'appelle Extinction et c'est le groupe Corrosive System. We'll be right back. Ah, les fins sont toujours brutales, hein, quand même. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite, parce que le temps passe vite, et puis on a encore un morceau qu'on a gardé vers la fin, pour la fin. Tu vois, on a fini par garder tous les morceaux, et à la fin, on est obligé de les passer tous les uns à la suite des autres, ce qui est pas mal non plus. Mais on arrive à la fin de cette émission, donc l'émission se termine à 22h. Nous avons 2 minutes encore pour discuter, hein. Il y a pas de problème, on va dépasser un petit peu, c'est pas bien grave. En attendant, vous avez passé un bon moment avec nous, là ? Oui. Voilà, en tout cas, nous on a découvert cet album, et ce que je disais, hors antenne, vous avez bien bossé les gars, bravo. Super album, donc Extinction, un album que vous pouvez retrouver bientôt sur les concerts, donc vous allez voir le groupe et vous leur demandez le CD à la fin, et pour l'instant vous pouvez les écouter sur toutes les plateformes musicales, donc Corrosive System avec l'album Extinction, en attendant le nouvel album puisqu'ils y bossent déjà sur le prochain album. Tout à fait. Voilà. D'autres choses à rajouter, vous êtes à la radio, vous avez envie de passer un petit message, allez-y, hein, vous gênez pas, hein, vous êtes là pour ça. Non, bah juste un grand merci à Radio Mavrica et Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, voilà. C'est bien sympa. Voilà, donc l'émission qu'on s'est donnée il y a plus de 12 ans, c'est justement de faire revenir des artistes de plein styles différents. Donc à chaque fois, c'est une couleur différente dans l'émission Mavrica. Et aujourd'hui, c'était orienté metal, punk, avec des musiques bien dynamiques, comme on aime bien. Donc là, on va finir l'émission, on n'est pas prêt d'aller se coucher, parce qu'on va pas dormir tout de suite, là. Encore un grand merci de nous avoir reçus. Nous, ça nous a fait plaisir, et puis ça permet de faire la promo de l'album, et puis derrière on va faire des concerts, et ça va donner. Ouais, au fur et à mesure on aura les dates, on les partagera aussi sur le Facebook, et puis sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, donc on a l'habitude de terminer avec les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous, everything is gonna be alright, et une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, depuis que je fais l'émission, tous les musiciens que j'ai reçus étaient d'accord avec ça. Donc, longue vie à la musique, au rock'n'roll en particulier, hein, et au métal. Ça, c'est notre amie Irène qui nous fait un petit coucou comme à la fin de chaque émission. On t'a pas oublié, Irène. Donc, merci beaucoup de nous faire un petit signal à la fin de cette émission. On a aussi d'autres personnes que je voulais remercier. Déjà, Florent qui fait le podcast de l'émission. Si vous avez loupé cette émission, vous l'avez pris en cours, ou alors carrément, vous avez envie de le réécouter parce qu'elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. Il faut la réécouter. Donc, vous pouvez le télécharger très prochainement. Le lien sera partagé sur le Facebook de l'émission Mavrica, sur le mur. Mais c'est notre ami Florent qui se donne tout ce mal pour enregistrer et faire des podcasts. C'est pour ça qu'on lui rend toujours une petite hommage à la fin de cette émission, parce que c'est bien ce qu'il fait. Ça permet de valoriser la musique. En plus des émissions, voilà, les rediffuser, vous pouvez même les télécharger si vous voulez garder les morceaux. Donc voilà, merci Florent, et merci à tous les gens qui ont mis un petit j'aime. Voilà, ça fait plaisir. Je sais que ça va continuer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté l'émission mais qui vont voir le programme. Donc le programme, il y a une petite erreur, il y a un trou quelque part. On va essayer de le boucher avec parce qu'à un moment j'avais arrêté de mettre les titres. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de le mettre à jour. En attendant, nous on va faire les photos, et les photos seront partagées dans le cours de la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, et vous pourrez voir justement les bons moments qu'on a passés dans l'émission Mavrica. Voilà. Autre chose à rajouter ? Non. Donc on a écouté le morceau, là, je voulais quand même revenir un petit peu sur les morceaux. Un, c'était le lien du sang, donc ça me rappelle un petit peu Frère de sang. Cette chanson-là, tu la connais aussi, non ? Oui, forcément. Ça parle un peu de la même chose, quoi. C'est le fait que, voilà, le sang, mais bon, à la limite, même si on n'a pas le même sang, même si on n'a pas les mêmes origines, on les fait pour s'entendre. De toute façon, que, quoi qu'il arrive. Mais bon, après, il y a quand même cette fierté d'appartenir à une communauté. Donc, chaque personne appartient à une communauté, même si elles sont différentes. Et ben, on peut s'entendre très bien les uns avec les autres. Là, c'est une chanson positive. Ça rappelle les valeurs auquel on peut s'accrocher, donc l'amour, l'amitié, les liens du sang, la démocratie, les animaux, les femmes qu'il faut pas battre, la planète, etc. La planète, tout ça. Mais non, mais des valeurs qui sont très humaines, parce que l'homme est l'animal le plus intelligent, il est capable du meilleur comme du pire. Et on va essayer de mettre en valeur justement son côté positif. Voilà. Le mot de la fin, c'est très beau. Et puis le féminicide aussi, qui est un sujet, voilà, on devrait en parler beaucoup plus, parce que c'est quand même incroyable qu'on ait on a passé l'an 2000, on est en 2022, on va bientôt être en 2023, et il y a encore des choses comme ça. Que ce soit un accident, ça peut arriver, mais il y en a vraiment trop. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Donc l'amour, c'est l'amour, c'est pas taper les gens, quoi. La violence, ça ne sert à rien. Voilà, on peut s'amuser, mais bon, pas taper. Ça, c'est un truc qu'on n'accepte pas. C'est vraiment quelque chose qui est condamnable. Voilà. Ça fait encore partie de la cruauté de l'homme. Mmh, voilà. Il y a des choses encore qui sont dans certains hommes et qu'il faut expulser à tout prix parce que bon, ça fait trop de dégâts. Et puis on va terminer donc avec le dernier morceau. Le dernier morceau s'appelle. Emblème tricolore, parce que vous êtes quand même fier de la France. Oui, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Bah, je voudrais que tu m'expliques alors. En fin de compte, ça parle des attentats. Ouais. Donc, il y avait eu toute une vague d'attentats. Donc, c'était le Bataclan. Oui, ça. Le 14 juillet. On l'avait vécu en direct ici. Je me souviens, c'était un vendredi soir et on était ici qu'on a appris sur. On regardait. Et on a appris justement par les réseaux sociaux qu'il se passait quelque chose. Et on l'a vécu en direct et on a fait l'émission, on dit mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce. Mais je pense qu'on était tous comme ça, quel que soit l'endroit où on était, on a tous été incrédules et on. Donc, vous aviez envie de parler de ces sujets-là. Voilà, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut rester soudé, il faut relever la tête, il faut aller de l'avant. Et donc après, la liberté. Les tricolores, donc ça venait évident. Comme pour les attentats du 14 juillet, il y avait les couleurs qui étaient représentées. Donc ça s'enchaînait naturellement. Quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas entacher justement les trois couleurs, parce que les trois couleurs, c'est quand même un symbole et de la France. Mais quelles que soient nos origines, on a tous un respect à avoir pour les couleurs des autres. Voilà, c'est quelque chose de très important aussi. Donc voilà. En tout cas, on va terminer avec ce morceau-là. Merci en tout cas à vous d'être venu dans l'émission Mavrika. Donc, vous faites partie officiellement de la Mavrika Family. Laurent, toi, ça fait déjà un petit moment. Dès qu'il y a de l'actualité, dès que vous avez envie de revenir, vous me recontactez et on se refait une petite émission bien sympathique comme celle de ce soir. 3 heures, ça passe vraiment trop vite. Ça marche, merci beaucoup. Bon, allez, à la prochaine. À très bientôt. À ciao. Bientôt. Salut. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. La vie est belle sur Arc-en-ciel. Porque a gente está em situação de rua, porque meu esposo perdeu o emprego e a gente foi despejado do aluguel, né? 2 meses atrasado e o homem não quis saber. O marido, João, procura um recomeço para a família. Que venha Lula para mudar tudo isso daí, que Lula, quando tava o governo do Lula, pelo menos a gente comia um bife, comia alguma coisa. Hoje em dia a gente não come nenhum ovo direito. Pergunto para as pessoas se elas podem me ajudar com serviço, com alguma coisinha, para me sair da rua com meus filhos, né? Que isso aqui não é vida para ninguém. Não é vida para ninguém, repetem Samira e o pequeno Wesley, que agora não pode ir à escola. O menino na rua tem um sonho, todos os sonhos. Eu queria ser